Musique motivante, n'est-ce pas? Alors, comment se motiver et le rester? Ma femme me disait ce soir, au lieu de parler de ça, parle-nous donc de pourquoi se motiver. Et effectivement, on ne peut pas rester motivé si on se pose la question pourquoi se motiver. La personne qui se pose la question pourquoi se motiver est une personne qui n'est pas motivée. Et il y a un cercle vicieux qui fait que quand on n'a pas le goût, on n'a pas le goût non plus d'avoir le goût. Lorsqu'on n'est pas motivé, on ne peut pas être motivé à être motivé. Les motivologues fonctionnent comment? Ils brassent de l'énergie. Et l'énergie qui est brassée peut, si elle est bien brassée, faire bouger l'énergie à l'intérieur des individus. Et les individus verront naître chez eux, apparemment, un peu plus d'énergie et seront motivés. Mais il faut bien comprendre que le motivologue, le psychologue, la personne qui dynamise, se sert de l'énergie qui est déjà dans l'homme, mais qui dort. Et brassant cette énergie, elle donne l'illusion à la personne que celle-ci vient de recevoir de l'énergie et elle sera survoltée, boostée, énergisée, motivée, dynamisée. Le problème, c'est qu'apparemment, et ça a toujours été un gros problème, c'est que le feu intérieur motivé s'éteint tout seul. L'homme n'a apparemment pas encore mis le doigt sur un auto-survolteur, une mécanicité qui lui permettrait de s'auto-motiver sans avoir à mettre de temps à se motiver. Il n'y a rien de plus fendant que de devoir s'asseoir et de devoir se dire « Bon, ben là, je suis motivé, là, je suis motivé, là, je suis motivé. » Quand une personne dit ça, elle exprime qu'elle n'est pas motivée, parce qu'une personne motivée ne dit pas « Là, je suis motivé. » Alors, il y a une énorme problématique qui existe chez l'homme, c'est qu'il a continuellement besoin de l'extérieur pour vivre. Il a besoin de l'extérieur pour l'alimentation matérielle, besoin de l'extérieur pour l'alimentation thermique. Il a besoin de l'extérieur pour la protection. Il a besoin de l'extérieur pour l'évolution. Il a besoin de l'extérieur pour se motiver. Il a besoin de l'extérieur pour pleurer, pour se défouler. Et nécessairement, il est aussi l'extérieur des autres. Alors, s'il est l'extérieur des autres, cela veut dire que lui étant à l'extérieur des autres, il sera la chose qui servira à motiver les autres, à défouler les autres, à nourrir peut-être les autres émotivement, spirituellement, mentalement, puis de temps en temps physiquement. De moins en moins de cannibales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi je suis bon pour aider autrui, et que si autrui est bon pour m'aider moi, c'est que je devrais être bon pour m'aider moi, et autrui devrait être bon pour aider autrui. Mais ce manque de vision claire à l'échelle de l'évolution des humanités a fait en sorte que s'est vu élaborer des philosophies, des théories et même des théologies disant que l'humain avait nécessairement besoin d'autrui. Moi, je ne peux pas m'en sortir seul, avec toi, je peux. Toi, tu ne peux pas t'en sortir seul, avec moi, tu peux. Alors, ensemble, cheminons. Et cela crée un problème majeur, l'assujettissement. L'esclavagissement de l'homme par l'homme, continuellement. Tant qu'on est sûr en tant que mâle que notre femme ne peut pas se passer de nous pour vivre, on est sûr qu'elle ne peut pas s'en aller, on est heureux, on est sûr. Tant que la femme est sûre que son mari ne peut pas se passer d'elle, elle n'a pas de problème, elle ne peut pas être jalouse, elle se sent bien. Mais à l'instant où notre femme n'a plus besoin de nous autres parce qu'elle travaille, parce qu'elle étudie, eh bien là, on pense que l'amour n'est pas suffisamment puissant pour la conserver. L'esclavagissement, ça, c'est pas de faire. Après ça, on peut appeler ça l'amour, ça nous tente. Et la femme, c'est la même chose. Quand le bonhomme n'a plus besoin de la bonne femme, la femme est insécure. Le gars, il sort avec un autre, mais la femme, elle a une chose que les autres n'ont pas. Alors, elle est sûre que son homme va rester avec elle. Mais quand le bonhomme n'a plus besoin de cette chose-là, puis il sort peut-être juste pour jaser, écouter des disques, manger une barre de chocolat. Mais la femme est plus sûre. Parce que quand on est esclave, on peut parler d'amour. Mais quand on est libre, l'amour, on la cherche. L'enfant, il n'a pas besoin des parents, il ne s'ennuie pas, il est libre. Quand les parents reviennent de vacances, si l'enfant ne s'est pas ennuyé, les parents se demandent si l'enfant les aime. S'il est esclave, on peut parler d'amour. S'il est libre, oh boy, ou au girl, hein, dépendamment. Alors, c'est un problème majeur qui fausse complètement l'idée ou l'idéal de l'évolution de l'homme, celle où chaque être humain a nécessairement, dans tous les cas, besoin d'autrui. Et ça, ce n'est pas vrai. Et ça crée un problème majeur. Le motivologue, moi, je ne suis pas un motivologue. J'ai fait une conférence sur la motivation parce qu'on a mis le titre motivation. On va parler évidemment de comment on peut humainement rester survolté, motivé. Mais ce n'est pas une conférence de motivation. Mais le motivologue, il fonctionne comment? Le motivologue, ôtez-lui ses salles pour l'écouter. Il va être le plus déprimé du monde. Le motivologue n'a pas la faculté auditive de se faire motiver, mais il a la faculté orale de se faire motiver. C'est-à-dire que, ectopiquement, par exception, il y a des humains qui, de temps en temps, se font motiver seulement s'ils se font écouter. Alors, ils doivent parler à autrui. Et les motivologues se motivent en motivant les autres. Par contre, s'il n'y a personne pour écouter le motivologue, il ne peut pas parler à autrui, donc il ne peut pas se motiver en motivant autrui, donc il est déprimé. Et la majorité des humains, par contre, sont auditivement motivables, c'est-à-dire que l'énergie brassée dans l'air, qu'on appelle la voix et la parole, peut venir briser la densification, la stagnation des énergies inhérentes à l'homme, et cela crée un remous dans cette énergie, et l'humain qui écoute se sent énergisé, survolté, motivé. Le problème, c'est que celui qui a la faculté d'être motivé par la parole, le motivologue, celui qui a la faculté, ou celui ou celle, d'être motivé par l'audition, le public, a aussi la faculté de se motiver par la parole et le motivologue a aussi la faculté de se motiver par l'audition. Étant donné que l'expérience étant la plus puante des merdes données à l'humain en tant que frein à l'évolution, qu'est-ce que c'est que l'expérience? L'expérience, ce n'est pas la sécurité dans l'évolution. L'expérience, c'est la stagnation dans l'évolution. L'expérience, c'est sécurisant. Mais à la condition qu'on ait à revivre l'expérience. Autrement dit, quand à 5 ans, j'ai vécu une expérience, je me sens sécurisé si je la revis à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et toute ma vie. Quelle expérience apparemment est utile à l'homme? L'expérience qui lui sert, pas l'expérience qui ne sert à rien. Et l'expérience qui lui sert nécessite pour servir que l'humain n'évolue pas ou que les conditions dans lesquelles il bouge n'évoluent pas trop. Celui qui a l'expérience de chasser l'ours une fois dans sa vie, après ça, on y invente un stamp bird. Avec son expérience, ça ne sert à rien. Mais il doit vivre et s'adapter à du neuf. Tandis que celui qui apprend à aller chez stamp bird, qui a l'expérience, la première fois qu'il est rentré dans un centre d'achat, il ne savait pas trop où aller, il ne savait pas s'il fallait passer à la caisse, il ne savait pas quoi faire avec le mot du chariot, il ne savait encore qu'il ne savait pas quoi faire avec non plus. Vous savez, quand on arrive à la caisse, on met tout à TPC sur le comptoir, puis le chariot, on aimerait bien qu'il disparaisse. Hein? Il faut le pousser en avant. Mais le monde, il le laisse là, il le laisse bon. Alors, la première fois, la personne, elle a besoin, elle est insécure, elle cherche un peu, elle suit la file. Tout le monde achète du jambon, elle achète du jambon, puis elle fait le tour des bons. Mais à un moment donné, elle a l'expérience. Et quand elle rentre dans son centre d'achat, bien, si le centre d'achat a tout changé, elle est frustrée. L'expérience, ça sert à ça. Ça sert à faire frustrer l'humain. Ça sert à empêcher l'humain de voir les choses neuves. Ça sert à empêcher l'humain de se découvrir. Découvrir, ça veut dire ôter la scrap. Découvrir. Quand on voit des ruines couvertes, il y a une montagne dessus des arbres. Quand on découvre les ruines, on ôte les arbres et la montagne, et la ruine, elle est maintenant visitable, elle est découverte. C'est ce que ça veut dire. Alors, lorsqu'une personne veut se découvrir, nécessairement, elle ne doit pas vivre d'expérience, parce que l'expérience, c'est toutes des couches de toile qu'on se met un par-dessus l'autre, et finalement, on devient standard avec notre expérience. Prenez une forme et mettez une couverte. La couverte, elle prend un peu l'image de la forme. Mettez-en une deuxième, elle prend l'image de la première couverte, et une troisième, une quatrième, et finalement, on a un cône. Et on pense que tout ce qui est en dessous est identique, quand en réalité, tout ce qui est en dessous est différent. Mais parce qu'on a toute la même expérience, on est tout pareil. On a l'expérience sociale, on respire de l'air pollué, on conduit les automobiles ou on prend le métro et l'autobus, on chiale quand ça ne fait pas notre affaire, on est content quand ça fait notre affaire, on est insécure quand on a peur, enfin, on est standard, on appelle ça être normal. C'est plaisant d'être normal, mais quand on est normal, on n'est pas naturel. Lorsque l'humain vit d'expérience, il a un problème majeur, c'est qu'il, justement, il se sert non pas de ses affinités qu'il a réellement chez lui, mais de ce qu'il a eu dans l'Antiquité, c'est-à-dire l'expérience nationale, l'expérience historique ou l'expérience éducationnelle. La personne se sert de ce qu'elle a déjà fait. Se servant de ce qu'elle a déjà fait, elle ne peut pas comprendre qu'elle peut changer les choses. Moi, j'ai toujours été une andouille, puis quand mon professeur me disait « Hey, t'es capable », je me disais « Ah, bien, s'il dit, ça doit être vrai. Il y a une cravate. » Bon. Alors, j'étais capable. Mais quand je rencontrais mademoiselle, elle n'a pas de cravate. Mademoiselle, elle ne me disait pas que j'étais capable en mathématiques, fait que je coulais les mathématiques. Et comme j'ai toujours vécu comme ça, eh bien, toute ma vie, je m'attends à ce qu'on me motive. Alors, je me cherche une femme qui va me motiver, ou je me cherche un mari qui va me motiver. Et si j'apprends, ben voyons donc, caf, t'es capable tout seul. Alors, ça ne marche pas, là. Mon expérience me prouve que je ne suis pas capable. Oui, mais t'as sans doute changé. Oui, mais ton expérience, elle n'a pas changé, elle. J'ai sans doute changé. Ah oui, alors moi, je suis d'accord que j'ai évolué. Bon, mais t'es peut-être capable. Ah non, l'expérience me prouve que je ne suis pas capable. Alors, l'humain est tellement orgueilleux qu'il est capable d'accepter qu'il a changé tout en acceptant qu'il n'a pas changé. À chaque fois qu'on essaye une chose puis qu'on manque notre coup, on doit oublier. On peut retenir les événements intéressants du pourquoi on a manqué notre chose, mais pas l'échec. L'échec, ça n'existe pas. L'échec, c'est lorsque le concept utopique dans la conscience de l'homme ne se voit pas exaucé par la réalité de l'homme. Alors, lorsqu'une personne essaye une chose, ça ne marche pas. 6 mois après, elle peut réessayer, elle a peut-être changé. Comment pouvons-nous arriver à savoir quel est le degré de notre évolution? Évolution améliorative, évolution spirituelle, évolution mentale, évolution supramentale, évolution comme vous voudrez. Mais comment pouvons-nous savoir? Est-ce qu'on peut avoir un baromètre de notre évolution? Un thermomètre? Comme lorsqu'on fait des campagnes publicitaires, hein? On barbouille au rouge quand ça monte. Mais à quelle vitesse on évolue? Est-ce qu'on change un peu chaque mois, un peu chaque année, un peu chaque vie, un peu chaque cent centenaire, un peu chaque millier d'années ou un peu chaque jour? Les philosophes vont dire on change à chaque minute. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que tu changes peut-être, mais tu ne te sers pas de ton changement, tu te sers de ton expérience. Puis ton expérience, nécessairement, n'est pas changeante, c'est de la mémoire. C'est l'accumulation des choses que tu as faites. Ce n'est pas l'accumulation de l'instantané de ce que tu fais. C'est l'accumulation du passé que tu as fait. Alors, l'humain a de la difficulté à rester motivé parce que l'humain est un être motivable. Étant donné que l'humain est un être motivable, il n'est pas un être motivé. Un être motivé n'est pas motivable. Un pneu gonflé n'est pas gonflable. Mais un pneu à plat est gonflable. Alors, il existe une mécanique qui peut permettre à l'homme de rester motivé. La première chose serait de savoir pourquoi se motiver. Ça me plaît comme question. C'est comme évoluer. Comment évoluer? Et la question du plus grand cave sur la planète, c'est pourquoi évoluer? Après ça, on verra, mais pourquoi? Arrangeons-nous pour bien vivre. Pourquoi vivre? Faut être heureux. Pourquoi? Et ça, c'est la question des personnes très déprimées. Mais ce sont des questions fondamentales. Si l'homme n'a pas de raison d'être, c'est sûr que quand on n'a pas trop de conscience, on n'est pas conscient qu'on ne sait pas pourquoi on est. Ça peut aller. Et plus on est inconscient, plus on est motivé. Il se trouve. Mais plus on est conscient, plus on est à terre. Il se trouve. La personne qui faisait des échecs à l'école et qui ne s'en rendait pas compte, elle s'en foutait. Elle était motivée dans tout. La personne qui fait des échecs une fois adulte puis qui voulait réussir, elle a déprime. Alors, il y a un point intéressant. Plus on devient conscient, plus on devient perturbable et on devient têtable. On perd de l'énergie. On n'est plus survolté, on est sous-volté. Cela veut dire qu'on est motivable. On a peut-être besoin de temps en temps de se faire énergiser, de se faire botter le derrière, de se faire dire qu'on est beau et bon, de se faire dire qu'on est capable, de se faire dire un paquet de choses. Qui aide l'homme? qui poursuivent l'évolution de l'homme. Mais pourquoi cela meurt-il? Normalement, quand un avatar, quand un maître, quand un motivologue, quand un professeur, quand n'importe qui vient motiver quelqu'un une fois, il devrait rester motivé à vie. Si tu as été capable, pendant un laps de temps, de voir le monde beau, pourquoi n'es-tu pas capable tout le temps? Si à un moment donné, l'humain découvre qu'il est capable et que quel que soit ce qui apparemment ressemble à un échec, quel que soit l'échec, il continue, pourquoi n'est-il pas capable de le faire tout le temps, de se supporter? Et les philosophes intellectuellement plates vont nous dire, « Ah, ben c'est parce que l'homme, il évolue comme ça, il a des hauts, il a des bas. » Maudite belle philosophie de vie. Pourquoi l'homme est-il malade? Ah, ben parce que l'homme, il a des hauts, il a des bas. Ben, c'est pour ça que l'homme, il est malade. Il n'est même pas intéressant de savoir pourquoi l'homme, il est malade. Il est intéressant de savoir que l'homme ne devrait pas être malade. Et ceux qui sont malades, ils vivent une condition qui ne leur appartient pas. Et étant donné que l'expérience de l'humanité, ainsi que l'expérience éducationnelle leur a enseigné, inculqué, que la maladie, c'était eux, qu'ils étaient malades, eh bien, ils sont malades. Comment se motiver? Simplement répondre à la question, pourquoi être motivé? Alors, de temps en temps, on me demande si la politique m'intéresserait, hein, si je pourrais faire de la politique provinciale ou fédérale. Parce que j'ai des maudites idées de comment diriger une société, comment elle peut se diriger elle-même et comment l'humain peut devenir un peu plus son seul maître à l'intérieur. Mais je pense que la première forme de politique que je vais entreprendre, c'est de faire une campagne avec des pancartes. Et on ne pavanera pas dans les rues. Non. La première chose que l'homme doit faire pour être motivé, c'est de donner de la marde à qui de droit. Cela veut dire cesser d'accepter les choses, commencer à les tolérer, puis les tolérer avec un petit peu d'impatience. Pas trop émotivement, mais quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain existe. C'est un phénomène existentiel. Il est aussi expérientiel. Il accumule de l'expérience, et l'expérience lui permet de savoir qui l'a existé. Et bien souvent, c'est plus important pour l'homme expérientiel de savoir qui l'a existé que de savoir qu'il existe. Si je dis à quelqu'un, vous n'avez jamais eu de passé, vous n'avez jamais existé, ça perturbe certaines personnes. On peut inventer son passé comme on peut inventer son avenir. Et il n'y a pas de mentir que d'inventer son passé parce que de toute façon, le passé n'existe pas. Il a peut-être existé, mais c'est peut-être tout un cheminement, un film qui s'est passé dans notre tête, collectivement, et on accrédite tout un événement qui finalement n'a plus de poids, n'a plus de bruit, n'a plus de sensation, n'a peut-être pas existé. Mais vu que la gang, on s'en rappelle, eh bien on dit « il a existé ». Mais il n'a peut-être pas existé. Inventer son passé, c'est aussi intéressant que d'inventer son avenir. Les deux sont aussi faux les uns que les autres. Et ça ne nuit pas. Mais lorsque nous disons à un être humain « oublie ce que t'es », quand une personne, il y a du monde qui me rencontre de temps en temps et qui me disent, moi, je suis une personne qui a beaucoup voyagé, qui a fait, veux-tu savoir ta boîte? Mais est-ce que je peux, moi, savoir qui tu es sans que tout toi, ce que tu penses que tu es, vienne colorer ma perception? Peux-tu me laisser te connaître? Peux-tu me laisser te savoir sans que tu m'obliges? Tout ce que tu as fait a de l'utilité à l'exclusive condition que ça te serve aujourd'hui, pas pour t'en vanter. Pour toi. Alors, moi, j'ai suivi un cours de linguistique, j'ai appris comment parler, j'ai appris comment faire des conférences. Je veux rien savoir. J'ai rien qu'à t'entendre parler pour savoir qu'il faut que tu tournes à l'école. La personne qui vient me voir et qui dit, « Ben moi, j'ai aucune expérience dans ci de ferme, dont ta grand-boîte. » Bonjour, bonjour. Tu veux quoi? Moi, je veux ceci. Penses-tu que toi, tu peux faire ça? Oui, parce que moi, je fais ça. Savez-vous qu'est-ce qu'une personne qui fait ça fait? Consciemment ou inconsciemment, elle se survolte, elle s'auto-énergise. Chaque fois que j'ai eu besoin d'un emploi, j'ai eu un emploi dans la semaine même. Chaque fois que j'ai rencontré des employeurs, je leur ai conté tout un tissu de mensonges, suffisamment puissant pour qu'ils m'engagent. Et j'ai toujours été à la hauteur de mes menteries, ce qui finalement fait que mes menteries n'ont jamais été des mensonges. C'est ça, le passé. À vous de l'expérience, bien sûr. Elle fait quoi? Il veut des papiers. Oh, je travaillais dans des pays sous-développés pour telle affaire mondiale. Ils ne donnent pas de papiers aux autres. Ah bon? Mm-hmm. Connaissez-vous ceci ou cela? Ça le demande. Et vous pensez pouvoir faire ce métier-là? Je pense non seulement le faire, mais je pense même l'améliorer. Ah bon? Vous vous vantez? Je ne me vante pas, engagez-moi, vous allez voir. Tant qu'à pas avoir de job, s'il me met dehors 2 semaines après, j'aurai au moins 2 semaines de paye, hein? Et puis finalement, on m'essaye. Puis comme je ne suis pas un con, bien, s'il y a une affaire que je ne sais pas, faites-moi pas confiance, je vais dans les librairies, je vais dans les bibliothèques, j'achète, je lis, j'apprends. Ou bien, je me plug et puis je le sais, mais c'est pas plus important que ça. Il y a eu une époque où il fallait que je lise. Bon, ben je lisais. Et par la suite, eh bien, ça se parlait, hein, qui venait d'engager un... Bien, nécessairement, tout le monde me plaçait où j'étais. Parce que j'acceptais de me laisser placer là. On venait me demander des conseils. Je ne savais rien, mais j'ai appris en tabarnouche à force de donner des conseils. L'homme doit s'arranger pour s'automotiver. Première loi de l'automotivation, donc du phénomène qui fait qu'on reste motivé. C'est cesser de se détruire. Et que ça paraît banal et simple. Presque 50% de la vie d'un homme est bâti à sa propre démolition. Je dis que l'homme est son propre prédateur, et c'est vrai. Alors, pourquoi je suis motivé? Et puis finalement, paf, je m'en vais. Et là, je vais aller revoir un motivologue, ou suivre un cours de ceci ou de cela, ou etc., etc. Il n'y a aucun schéma d'évolution sur la planète, quelle que soit son obédience, qui ne peut avoir d'utilité efficace pour l'homme tant que l'homme ne cesse pas de se détruire. C'est évident. Alors, la première chose, et je me fous royalement du cheminement de l'individu, qu'il soit dentiste ou n'importe quoi, qu'il fasse ce qu'il veut comme vie, qu'il soit un mystique, qu'il soit un n'importe chose. Différent, n'importe quoi. Bon. Qu'il cesse de se démolir. Les motivologues n'enseignent pas à cesser de se démolir, ils enseignent comment se bâtir. Mais on ne peut pas bâtir quelqu'un qui se démolit. J'ai de la bonne brique et je mets pas du ciment, je mets de la boue. J'ai beau acheter les meilleures briques du monde, aller voir les meilleurs motivologues, les meilleurs maîtres, les meilleurs gourous, les meilleurs fiefés coquins du monde, ça ne changera rien si je cimente tout avec de la boue. À la moindre petite pluie, toutes mes briques s'assoient une sur l'autre, puis finalement, un petit coup de vent après, tout tombe. Puis là, il faut que je recommence tout. Alors, je peux vouloir refaire un mur à travers le mur que j'ai déjà fait, mais si on est brillant, il faut défaire toute la maison complète pour commencer avec du ciment. Et ça, l'humain n'est pas prêt de recueillir. Pas l'humain, il ne veut pas recommencer au complet une chose. T'es mal parti. Refaire du neuf avec du vieux, c'est pas bien bon. Alors, l'humain doit apprendre à s'auto-énergiser. Et la première chose, c'est d'être capable de cesser de se détruire. Pourquoi se motiver? Eh bien, nous devons, en tant qu'humain, associer à une espèce ascendante énergétiquement, à une espèce évolutive et évolutionnaire dans le cosmos, dans la création, nous devons nous motiver parce que la structure planétaire, la structure terrestrifiée dans laquelle on vit notre vie, notre expression, est une structure tellement stupide, tellement débile. Quand quelqu'un vient me dire que le corps physique, c'est une machine extraordinaire, mais la personne qui pense ça, c'est un imbécile. C'est un aveugle peut-être. Un aveugle de conscience. Parce que le corps humain, c'est pas extraordinaire. Ça peut être malade, ça peut se casser un bras, ça peut se péter un œil. Il y en a qui deviennent au monde sourd, il y en a qui finalement deviennent sourds à la longue, il y en a qui perdent la mémoire, la structure du cerveau. Le cerveau, c'est génial! Hey! À partir de l'âge de 14 ans, ça se détruit tout seul! Merveilleux! C'est une structure, une machine extraordinaire! Le corps, ça pompe le sang, puis lentement, ça se fatigue! Hey, c'est pété! Que de le dire! Le sang extraordinaire, la peau merveilleuse, ta coupe, ça coule tout, puis tu meurs. C'est génial! Pourquoi faut se motiver? Ben si, boulot, on est pogné dans un monde de choses qui sortent du corps, justement. De merde. Bon. Quand l'humain se conscientise, il se pose des questions ou il se fait poser des questions. Les questions les plus banales, c'est d'où c'est que je viens, qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais. Ça date depuis quelques millions d'années. Là. Bon, ça a commencé avec un gars qui était perdu, sur la route, puis lentement, ben, ça s'est placé dans le plan spirituel. Bon. Mais lorsqu'on se pose des questions, lorsqu'on se conscientise, lorsqu'on arrive à mentaliser les choses, nécessairement, la conscience limitée temporairement de l'homme s'effondre devant des manques de réponses ou des réponses stupides. Quand on peut voir un problème et qu'on ne peut pas voir la solution avec le problème, mieux vaut ne pas voir le problème. Mais l'évolution de l'homme fait qu'il voit toujours les problèmes avant de voir les solutions. Et comme le problème le terrorise un peu, il baisse en vibration et il perd la solution. Combien de fois avons-nous pris des décisions où tout était parfait et où rien n'a marché? Et ce jeu est un jeu stupide. Certains appellent le créateur de l'homme Dieu. La majorité des humains, même s'ils appellent le créateur de l'homme Dieu, prient des dieux créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme dans le ciel. Mais appelons ça Dieu, appelons ça intelligence, appelons ça énergie, appelons ça cosmos, appelons ça comme vous voudrez. Pourquoi se motiver? Parce que tous ceux qui nous ont créés, s'il y a quelque chose qui nous a créés, se foutent royalement de nous autres. Alors Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, le péta sa planète Terre et il n'oublia jamais ce qui s'est passé. Dans la condition expérientielle où nous vivons dans une condition exactement comme si c'était ça qui s'était passé. Les voies de Dieu sont impénétrables? Oui, sont impénétrables, justement. Vous ne les pénétrez pas! Oui, mais je vais avoir une réponse. Mange-la! Pourquoi suis-je né handicapé? T'en regardes pas! Je veux donner mon bras, mais sauver mon fils! Va mourir, ton fils! Ton bras, on le prend pareil. Pourquoi les bons partent-ils en premier? Mais qu'on se distraye. On essaie d'expliquer toute la phénoménologie évolutionnaire de l'humanité d'une guerre à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'une famine à l'autre, d'un tremblement de terre à l'autre, sans compter les accidents niaiseux. Pourquoi les avions y arrivent à voler, puis de temps en temps, il y en a qui s'écrasent? Pourquoi ton automobile, elle a une crevaison, tu prends le champ, tu te tues? Ah ben, c'est le karma! Maudite belle explication, idiote! C'est évident que le karma règle des choses. Mais pourquoi devons-nous être assujettis au karma? Pourquoi, lorsque nous comprenons qu'est-ce qui a causé un problème, le problème ne disparaît-il pas? Là, tu sais pourquoi il est malade, hein? Parfait, trop tard. Brillant, maudit, comme cheminement, c'est absolument génial. Et si vous voulez être sauvé à la fin de vos jours, remettez-vous dans les mains de Dieu. Rentre dans un couvent, rentre dans un ashram, rentre dans un monastère, rentre dans une secte, rentre dans un mur, fais quelque chose. Et puis, à la suite de ça, peut-être, si tu t'es pas trompé de religion, tu vas être sauvé. Franchement. Pourquoi se motiver? Si on est laissé à nous autres. Alors, si on attend continuellement de se faire survolter par quelque chose de particulièrement bizarre qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas et qu'on ne touche pas et qu'on ne sent pas et qu'on n'entend pas, on va attendre longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose, l'être humain doit fonctionner un peu par logique. On est là. On est là. Eh bien, si on est là, c'est qu'on est là. C'est une prise de conscience majeure. L'humain doit prendre conscience qu'il est là. Pas pas philosophiquement, matériellement, biologiquement. Ceux qui savent pas qu'ils sont là, vous viendrez me voir tout à l'heure, moi vous donner une claque en pleine face. De savoir que vous êtes là. Là. Le corps, ça n'existe pas, c'est de l'illusion. Paf! Bon. L'illusion va tomber, le corps va exister. La matière, elle existe. La vie, elle existe. La mort aussi, on le sait, mais la vie, elle existe. Ceux qui ne savent pas que la mort existe, venez pas me voir, je ne le prouverai pas. Bon. Allez sur le métropolitain. La vie, elle est là. L'humain, l'homme, il est là. Il y a une sexualisation. Il y a une polarisation. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a aussi une tripolarisation. Il y a l'enfant jusqu'à la puberté. À travers cela, il y a les animaux. Il y a les plantes, il y a les roches, il y a notre foutue planète qui est une sphère lancée quelque part qui tient. Nous autres, on tient sur la planète Terre, mais la planète, elle tient sur rien, elle, puis ça marche. Alors, imaginez-vous qu'un bout de plug, si elle, elle tient tout seul au poids qu'elle a, je devrais être capable de marcher sur les autres. Ah ben non, ça se fait pas. Mon expérience humanitaire prouve que ça se fait pas. Alors, j'en suis tellement inculqué que quand je marche sur l'eau, je marche en même temps sur le fond. Puis quand le fond est trop bas, ben je marche dans l'eau. Lorsqu'un vaisseau spatial s'en va dans l'espace et qu'il se met à tourner, la personne qui est dedans, elle est à côté sur son banc, pas tourne avec le vaisseau spatial, comme dans un auto. Mais si le vaisseau tourne autour d'une planète, la personne n'est plus à côté, avant ligne droite, elle. Mais maintenant, elle tourne autour d'une planète. Mais ça ne paraît pas, c'est parfait, c'est en orbite. Puis si la planète n'est plus là, elle continue à tourner, ah ben là, elle recommence à se projeter. Il y a plein d'idioties. Les astrophysiciens commencent à avoir, de toute façon... Les compagnies d'aspirine, Atassol et Tylenol vendent surtout aux astrophysiciens. Bon. Ils ont de plus en plus des maux de tête. À découvrir comment farce est le monde dans lequel on est. Comment illusoire c'est. Pourquoi se motiver? Ben maudit, tu viens au monde, tu broyes, tu grandis, on t'empêche d'être ce que t'es, au nom de l'éducation, les parents font ce qu'ils peuvent. On te chicane, on te tapoche, tu tombes en bas de l'escalier, tu joues dans un parc, tu avales du sable, tu chicanes avec tes voisins. On t'oblige d'aller à l'école pour passer ta jeunesse à préparer ta vieillesse. Puis toi, tu vois les vieux passer la vieillesse à regretter leur jeunesse. Et puis, tu vis tout ça au complet. Après ça, on t'envoie sur le marché du travail pour gagner ta vie. Ça fait déjà 15 ou 20 ou 30 ans que tu as à perdre, puis là, on te dit « va gagner maintenant ». Alors là, tu t'en vas sur le marché du travail, diplômé pour être chômeur dans la majorité des cas. Et quand tu as bâti une famille, tes enfants s'en vont, ils te laissent là. Tu as bâti ta maison, la chambre de mon gars, la chambre de ma fille, puis à un moment donné, c'était la chambre de mon gars, mais plus là. C'était la chambre de ma fille, mais plus là. Quand tu redéfais les murs, tu essaies de t'enligner, puis tu sais très bien que là, si tu es en train de t'enligner pour t'en aller, parce que finalement, quand tes enfants ont disparu, les parents, on sait qu'est-ce que ça veut dire. L'histoire l'a prouvé. Et après avoir bâti tout ce que vous voudrez bâtir, des empires, des églises, des sectes, vous êtes devenus des maîtres, vous avez tiré aux cartes à plein de monde, vous êtes respecté, honoré, vous vous êtes foulé carrément aux pieds, puis finalement un jour, paf, capote. 300-400 ans après, on ne sait même plus comment ça s'appelait votre nom. Alors pourquoi se motiver? Bien, il y a une maudite raison de se motiver, c'est qu'on est là. Alors si on est là, s'il n'y a pas de raison, il faut qu'on en invente une, mais les caves qui jouent avec nous autres, il faudra à un moment donné qu'ils jouent en comptant, nous autres. Tu meurs, tu vas dans le ciel, certains disent tu te réincarnes, bon, c'est plaisant au bout, tu meurs, tu nais, tu broyes, tu pètes, tu meurs, tu nais. Bon, c'est le fun à mort, c'est quoi de dire, à mort. D'autres disent, tu viens au monde, et puis là, Dieu, il te check. Puis quand tu vas du bon côté, tu t'en vas aussi au paradis, pour l'éternité. Mais être plate. Puis quand t'es pas fin, on t'envoie en enfer, pour l'éternité. L'enfer, je l'ai déjà dit, c'est un terrain de golf où il n'y a pas de balle. Alors, tu t'en vas au ciel. Et puis, tu attends la résurrection de la gang de cons. Qui vient à peu près jamais. Parce qu'on l'attend depuis longtemps, mais il y en a, en tout cas, qui l'attendent. Et puis après, ça va donner quoi? On va se ressusciter, et puis on va savoir que, tiens, mon frère, t'es en enfer, ça, faut croire. Et puis là, hey, le paradis. Ma femme, mes enfants, en enfer, le paradis. Sacré bleu, moi j'aimerais être en enfer que ça. Là, au moins, on sera ensemble, là, ce serait le paradis. Alors, essayez de comprendre l'idée. Prenez Isaac Newton ou prenez un paquet de personnes, des grands présidents qui aimaient leur peuple, ils se ramassent au ciel, pas de peuple. Mon peuple est en enfer. Paradis, il devient complexe. Et puis là, le paradis, t'as plus faim. Fait que tu manges plus. Puis de cornet à crème à glace. Puis de tarte aux pommes. Avec boule de crème glacée chaude. La tarte, pas la boule. Oh, ça se passera pas comme ça. On n'aura pas faim, mais on ne souffrira pas. Oui, mais tout ça, ça mène à quoi? La question encore du petit enfant. Pourquoi aller au ciel? Alors, tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'antique théologie, toutes les traditions du passé, tentent de supporter, de motiver l'humain, mais pas de répondre aux questions fondamentales créationnelles de l'homme. Les théologies sont l'expression émotive de la perception cosmique de l'homme. Les sciences sont l'expression cartésienne de la perception cosmique de l'homme. Mais ces phénomènes, la science comme la théologie, n'ont pas comme raison fondamentale d'expliquer quoi que ce soit. Elles ont comme raison fondamentale de motiver l'humain, de supporter l'homme. Celui qui ne peut pas être motivé, eh bien, tu le sécurises. Alors, tu lui dis qu'un père créateur, faut bien que tu lui mettes le mot père, parce que sinon, il ne comprendra rien. Lui, l'humain comprend à partir de son expérience. Alors, il a eu un père et une mère. Alors, si tu lui dis qu'il y a un père et une mère, bien, ça peut aller, ça peut fitter. Bon, si tu lui dis qu'il n'y avait rien, bien, il ne comprend plus rien. Alors, voilà. L'humain vit de cette théologie, de cette science, dans le but de se sécuriser. Toute forme de science n'est là que pour sécuriser une partie de l'humanité ou une partie de chaque humain. Et toute forme de théologie, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sectaire, qu'elle soit ésotérique, qu'elle soit occulte, a pour fonction de sécuriser l'humain. Et lorsque l'humain commence à être suffisamment sécurisé, ou qu'une partie de lui vient de naître, une partie mentale, l'humain n'est pas encore sécurisé, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une partie encore plus chienne qui vient poser des questions logiques. Ben, l'humain rentre dans un problème fondamental, un problème de peur. Et si l'humain ne se prend pas en main, il ne faut pas trop qu'il se fie aux autres. Quand le motivologue, à force de se motiver, va découvrir que le monde est une farce, vous allez le perdre, le motivologue. Quand le gourou meurt, on va faire en maudit avec notre secte. On peut le prier, mais le prier, c'est le têter, mais le têter, c'est pas nous libérer. Alors, quand les choses s'en vont, il reste nous. Et on peut se dire, oui, mais un jour, on ne sera plus là. En tout cas, le temps que je suis là, hostie, m'a organisé pour le rester. Pourquoi passer sa vie à vouloir être riche, à vouloir avoir une maison, à vouloir être heureux pour finalement mourir? La question devrait se poser comme si, pourquoi passer sa vie à crever de faim, à ne pas avoir de maison, à être malheureux, puis mourir? Bon, bien, tant qu'à naître, pas mourir, moi, j'aime autant passer par en haut. J'aime autant vivre et mourir heureux que malheureux. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'être humain est là. Et si l'être humain est là, c'est qu'il y a des conditions qui permettent à l'humain d'être là. Et s'il y a des conditions qui permettent à l'humain d'être là, c'est que l'humain a une fonction. Et si l'humain a une fonction, c'est que l'humain a une utilité. Et si l'humain a une utilité, dans des termes spirituels, l'humain a donc une importance. Et si l'humain a une importance, cela veut dire que l'humain a des privilèges et des droits. Et si l'humain a des privilèges et des droits, cela veut dire qu'on peut commencer à faire la grève. Quand l'employé ne se pense continuellement que le patron fait de la charité, il l'engage, il donne une petite paye par charité, l'employé a peur de perdre son emploi. Il ne fera pas de grève, il ne protestera pas. Là, le patron, il passe, il dit, je t'ai engagé pour mettre des teintes, mais peux-tu passer le balai aujourd'hui? Ah ben, le gars, il a peur, le patron, il passe le balai. Là, le patron, il sait que l'employé, c'est un cave. Fait que quand le patron, il passe, il dit, là, le balai, il a passé, là, mais c'est pas propre. Ah, bon, mais voilà, repasser. Ah ben, là, il sait que c'est un maudit cave. Bon. Quand il repasse après, là, il dit, là, il faudrait que tu laves ceci, que tu fais en fin de semaine? Et puis, c'est pas long qu'il va lui dire, t'aimes-tu mon char? Oui, bon, mais viens d'entendre dans le gazon, tu vas pas le voir. Hein? L'humain a des droits. l'humain a des privilèges. Et quand l'employé se rend compte que finalement, lui travaille, il amène de l'argent, il donne ça au boss pour que le boss vienne lui dire de laver le plancher. Mais là, il finit par se dire, il est peut-être temps que je cesse de laver le plancher. Apparemment, tout ce qu'on a appris fait que Dieu est partout, puissant, etc., etc. Bon, il peut au moins engager un balayeur. Hein? Il se vante d'être puissant. Peut-être que c'est vrai. Mais une chose qui est certaine, c'est que si tous les employés décident de faire la grève, le patron a leur fin finaux en maudit. Et comme toujours, les employés les plus faibles auront peur de perdre leur emploi. Ils deviennent des têteux. Les têteux dans l'évolution sont normalement, pas toujours, certains sont rusés, mais les têteux sont normalement les maîtres qui ont des disciples, les gourous, les prêtres, ce genre de personnes, pas tous, mais beaucoup le sont, ce sont des personnes qui ont la langue noire. Ils passent le temps à licher souliers de le boss. Bon, de Dieu. Lorsque l'homme découvre qu'il a des privilèges et des droits, il est temps maintenant qu'il s'en serve. Je parle de campagne politique ou de campagne syndicale, faire la grève de l'évolution. Pour les faire chier un peu, eux autres. L'homme doit faire le bien, pas faire le mal. Si tu fais rien, Dieu est pogné en sacre bleu. Il ne saura pas où te mettre, en enfer ou au paradis, torieux, il ne fait rien. Pas le bien, pas le mal, rien. Bouddha s'est essayé avec la voie du juste milieu, mais le problème qu'il y a, c'est que le juste milieu, il y a 5 milliards de juste milieu, 5 milliards d'humains. Pourquoi se motiver? Parce qu'on doit savoir que même si présentement on passe pour les balayeurs de rue ou les porteurs d'eau de la compagnie ou de la société, société cosmique, ils ont besoin de nous autres. Il n'y a pas un patron, il n'y a pas une hiérarchie céleste qui va se risquer à venir nettoyer nos rues d'évolution. Alors, si on décide de ne plus les nettoyer, ils vont s'organiser pour nous remettre en santé. Ce que je veux dire qu'il y a des consistances énergétiques, intelligences, il y a des hiérarchies qui dirigent l'homme. Et quand je dis diriger l'homme, elle ne dirige pas l'homme du point de vue de la direction humaine, elle dirige l'homme du point de vue de la direction céleste. Cieux-lestes, pour être précis, au-delà du ciel, dans les cieux. Cela veut dire que diriger du point de vue cosmique ne veut pas dire « Toi, tu fais char! » Sinon, ça me frustre, puis je te bats. C'est pas ça que ça veut dire. Ça, c'est diriger du point de vue de l'homme. Le directeur, il s'emballe s'il n'est pas écouté. Du point de vue cosmique, ce n'est pas ce qui se passe. Il se passe simplement qu'il y a une orchestration, il y a des chemins faciles, et l'humain n'a qu'à les suivre. Mais l'humain ne comprenant pas ce que c'est que suivre, l'humain ne comprenant pas ce que c'est qu'une hiérarchie, l'humain pense qu'il est dirigé. Alors, l'humain essaie de transcrire le feeling qu'il a du chemin à suivre en loi. Et ces lois-là, il les met sur des tables ou dans des livres, et puis il les étend en face de ses enfants, puis il dit, « Suis ça, mon petit. Si tu dérègles moindrement, Dieu va te couper l'oreille par ma main. » Il n'est pas capable tout seul. Bon. Et lentement, l'humain, après avoir mis les lois, met les punitions pour obliger la gang à suivre. Pourquoi se motiver? Parce que nous devons comprendre. Et ce qui est très important, c'est que toute forme d'évolution doit être faite. Comment on peut évoluer? On ne sait pas où ce qu'on va. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on fout ici. On ne sait pas ce qu'on a besoin. Et puis, on essaye d'avancer. Ben, vous montrez comment évoluer. C'est bien simple, on doit évoluer comme ça. Vous voyez? C'est simple, hein? Bon. Évoluer comme ça, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas où je m'en vais. Ne sachant pas où je m'en vais, je ne peux pas savoir qu'est-ce que j'ai besoin ni ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, étant comme ceci, je regarde tout ce qui me nuit, puis ce qui me nuit, je le mets aux poubelles. Si je ne sais pas ce que j'ai besoin pour avancer, je peux au moins connaître ce qui m'empêche d'avancer. Et mes problèmes et mes formes négatives, mes poids, je peux les éliminer. Ouais, mais je vais aller où? Pose-toi pas la question. Commence par arracher ce qui te retient, puis tu vas peut-être justement aller où tu dois aller. Mais une chose qu'on doit faire, c'est qu'en tant qu'être humain, qui commençons à nous conscientiser, à poser des questions idiotes sans réponse, quand je dis idiotes, des maudites bonnes questions, mais qui auraient fallu mieux qu'on ne pose jamais, mais on les pose, puis on va en poser de plus en plus, Lorsque l'humain pose ces questions-là, nécessairement, il tremble parce qu'il lui manque des données. Pourquoi se motiver? Parce qu'on a toutes les raisons d'envisager le fait qu'on est utile, pas à l'humain, qu'on a une utilité cosmique, créationnelle. On n'est pas une erreur de la nature, puis on n'a pas été créé par un Dieu qui s'ennuyait. Dernièrement, je parlais avec une personne qui me disait que Dieu n'avait pas besoin de l'homme. Parce que moi, je dis que Dieu a besoin de l'homme. L'homme a besoin de Dieu, mais les dieux ont besoin des hommes. Ah non, Dieu n'a pas besoin de l'homme. Mais pourquoi il l'a créé? Ah, bien, parce que ça lui plaisait, parce qu'il s'ennuyait. Donc, il n'a besoin. Ah non, il s'ennuyait pas, il l'a créé. Bien, maudit, on ne fait jamais rien pour rien. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Passe comme ça, il n'a même pas besoin. Bien, s'il n'a pas besoin, prenons-nous en main, hein, parce qu'il nous a oublié aussi. Ah, bien, non, c'est parce qu'il veut. Il voulait parfaire, il voulait. Il y avait un besoin. Et la personne, elle mastine que non, Dieu n'avait pas. Bon, mais bout de plug, hein. Si on est ici, c'est évident qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait, il y a une condition du moins qui avait besoin de l'homme. L'homme a une fonction, je l'ai déjà dit souvent et on va le répéter, mais l'homme a une fonction et cette fonction-là, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et pourquoi se motiver? Parce que justement, on doit s'organiser pour se prendre en main, pour se dire que nous ne sommes pas que des humains. On ne sait pas qui on est, ça n'a aucune importance. Chose certaine, c'est que boostons-nous, survoltons-nous, grimpons-nous. Ça va mal! Mais ça va mal, sachez qu'un jour, l'humanité fera la grève. Il ne fera ni le bien ni le mal. Pourquoi? Pas toute l'humanité, mais il y aura des humains qui vont faire ça. Ceux-là vont peut-être avoir un livre de bien en pleine face, là. C'est peut-être ça qui va leur étamper une marque dans le front. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'humain ne peut pas discerner le bien du mal. L'humain discerne le bien du mal après avoir accompli son acte jamais avant, dans le neuf. Alors, on est apparemment jugé sur le bien et le mal, puis on ne peut pas savoir ce que c'est, sauf après, pour se culpabiliser. Fait que si on ne fait plus rien, on bloque tout. Et l'humain a la faculté de tout bloquer. Et il y a énormément d'humains qui vont jouer les employés médiocres. Partout sur la planète, il y a des humains qui ne voudront pas rien essayer, qui vont vouloir dire, « Mais peut-être j'ai mal fait, mais c'est la bonne intention qui compte. » Le soldat qui est convaincu que l'Empire japonais ne s'est pas rendu aux Américains, il continue la guerre. C'est l'intention qui compte. Et jusqu'à 15 ans après, les Américains doivent faire toutes les îles du Pacifique pour aller déloger les Japonais qui ne savent pas encore. Alors, ils ont un papier signé de l'empereur même du Japon. Et il y a encore des Japonais qui ne croient pas ça. Et ça, c'est un problème majeur. Se motiver et le rester. Première chose, l'humain est bâti de façon à ne pas évoluer vers la conscience de ce qu'il est, mais l'humain est bâti de façon à évoluer pour permettre un jour à ce que des hiérarchies cosmiques puissent venir posséder totalement l'humain, prendre ce qui apparemment a servi à construire l'homme et le reléguer au fin fond des énergies. Bon, le dissoudre. Le dilapider, en faire d'autres choses, en faire une fleur, plaisant. Sauf que ce n'est pas le rôle de l'homme. Ça, c'est le rôle créationnel. Dans la création, il y a des hiérarchies cosmiques qui peuvent s'appeler ange, archange, qui peuvent s'appeler Melchisedec, qui peuvent s'appeler un paquet d'autres noms, et qui sont des êtres involuants. Et ces êtres involuants-là recherchent l'humain. Lorsqu'ils auront trouvé l'humain, ils vont s'organiser pour se pluguer à l'homme et fusionner l'humain à eux autres, c'est-à-dire devenir les maîtres. Et ce n'est pas le rôle de l'homme. L'homme ne provient pas de la création. L'humain n'a pas été créé en même temps que la création. L'homme provient de l'extra-création. C'est-à-dire que l'être humain provient d'une condition qui n'est pas divine, qui n'est pas céleste, qui n'a rien à voir avec le ciel. L'être humain provient d'une condition qui n'est pas créée. Il provient d'un espace qui n'existe pas, mais qui est là. Il n'existe pas parce qu'il n'y a pas ni temps ni espace. Et l'homme a une fonction dans cette création, c'est celle de résorber la création. C'est-à-dire que l'homme a comme première fonction de bloquer l'évolution expansive de l'univers, c'est-à-dire d'empêcher la densification, de bloquer les conditions, disons, densifiantes, involuantes. Deuxième fonction, faire évoluer, réchauffer. Réchauffer veut dire mettre le feu aux poudres. Ça saute. C'est-à-dire que l'être humain a une fonction, tout ramener vers la source. C'est-à-dire faire en sorte que l'univers n'ait jamais existé. Bon, c'est simple. Sauf qu'à travers cela, il y a tout cet univers au complet qui cherche à s'emparer de l'homme. Et à travers ces choses-là, il y a eu premièrement le Nazaréen. Tout le monde, vous connaissez le Nazaréen. Certains l'appellent Jésus, d'autres le Christ, d'autres Jésus-Christ. Adam était le Nazaréen. Mais pas l'Adam, pas l'unique bonhomme dans la Bible, on parle d'un homme et d'une femme qui sont créés, là. Première chicane de ménage, puis tout ça. C'est pas ça qui s'est passé. Quand on parle d'Adam, on parle d'un précurseur, d'un directeur d'une race qui s'appelait la race adamique et qui ésotériquement porte le nom de race violette. Pas à cause de la peau, à cause du système neuronique et du système vibratoire. Lorsque Adam, lorsque ces conditions sont créées, Adam, c'est-à-dire le Nazaréen, est une forme, une espèce de messager qui provient de l'extra-créationnalité, même s'il a des conditions, même s'il a des expressions à travers cette création, ça peut s'appeler Michaelique, c'est-à-dire Michael, ça peut s'appeler d'autres choses jusqu'au Nazaréen. Le rôle de l'homme à travers cela, c'est que l'humain est bâti de façon à se rappeler par l'intermédiaire d'une condition michaélienne, c'est-à-dire d'une condition christique, c'est-à-dire d'une condition supramentale, donc d'une condition d'intelligence. Certains appellent cela l'Esprit Saint, c'est pas plus grave que ça. Bon. L'humain a la faculté de se rappeler continuellement, il y a un petit feu très, très, très, très petit, qu'on fait tout ce qu'il faut pour étouffer, qu'il est autre chose que de la chair et de la poussière. Mais tout le reste au complet vient exprimer à l'humain et fait tout pour que l'humain ne puisse pas s'automotiver et pour que l'humain s'ignore. Première chose, une action sur deux que nous posons est posée contre nous. Une chose certaine, chaque fois que l'homme pose une action contre l'homme, il agresse l'humanité. Il instruit écologiquement l'humanité à poser un jour des actions contre lui. Donc, nécessairement, lorsque l'homme s'attaque à l'homme, il s'attaque à lui. Deuxièmement, chaque fois que l'homme ouvre la bouche parce qu'il est investi d'un plan manipulateur extraordinaire, son âme, qui l'oblige continuellement à s'étouffer, l'âme est là pour empêcher l'esprit d'être, à un point tel qu'un jour, l'âme vient instruire l'homme de sauver son âme, de nourrir l'âme, de tout faire pour l'âme, de vénérer l'âme. L'esprit, ouf, on n'a pas le droit une fois. L'âme, c'est de l'astral, c'est de la mémoire. Dans l'âme naît l'ego, l'identification. Et l'âme, elle fait ceci, l'âme. Elle parle en même temps que l'esprit, l'âme. Elle pense en même temps que l'esprit s'exprime dans le système neuronique, l'âme. Et l'âme, elle a en plus la faculté de contrôler le système endocrinien, la voie inconsciente de l'expression du subconscient et de l'inconscient, et de rendre l'humain malade, de le faire transpirer quand il est gêné. Il ne veut pas que ça paraisse, mais il transpire pareil. D'y faire des grimaces, d'y faire taper du pied quand il chose avec quelqu'un, de tout révéler à tout le monde ce que finalement, en tant qu'esprit, il n'est pas, mais ce que finalement, en tant qu'être débile, médiocre, il est. Et l'âme fait autre chose. Lorsque l'humain parle, l'humain s'empêche complètement d'apprendre. C'est ce qu'on appelle la parole fausse. Quand une personne rencontre un individu et qu'elle lui dit « J'ai fait un maudit beau voyage! » Moi, tout a compté ça à ce toi-là. Bon, premièrement, je suis parti, il y avait une maudite belle hôtesse, là, c'était une hôtesse, hein, dans l'avion. Bon, il y avait une belle hôtesse, tu sais, et puis par la suite, l'avion a décollé, puis l'hôtesse a reculé avec son chariot, tu sais. Il y a une affaire qui est intéressante, c'est qu'à travers toute son explication, le pauvre gars ou la pauvre fille, elle se collectivise. Tout le temps qu'elle va expliquer son voyage à l'autre, elle se collectivise. Elle s'obnubile en tant qu'individu, pour devenir la gagne. Pourquoi? Parce qu'elle dit le mot « c'est ». Tu sais. Alors, j'ai vu un éléphant, tu sais. Puis si toi, t'es ajusté, tu réponds « non, je sais pas ». T'es pas là. Puis l'éléphant, il avait la trompe, tu sais. « Non, je sais pas ». L'humain, inconsciemment manipulé par sa parole fausse, continue à exprimer le fait que l'autre sait. « Crème, on est collectif, tout ce que je vis, vous l'avez vécu, tu sais ». Alors, l'humain parle et parle, et continuellement, au fur et à mesure qu'il parle, il se démolit. Les statistiques très conservateurs nous disent, très conservatrices nous disent, qu'un mot sur 10 est dit contre nous. Chaque fois que nous disons 10 mots, nous en disons un contre nous. Plus on a une grande gueule, si on a une parole fausse, plus on se démolit. On se démolit de bien des façons. Alors, il y a l'âme qui, justement, s'exprime en même temps que votre intelligence. Vous avez une raison brillante, intelligente, merveilleuse, c'est façonné, c'est parfait. Là, vous allez voir la personne, puis vous lui dites, « Je pense qu'il faut que tu changes ton démarreur. » Vous venez d'exprimer que vous ne saviez pas avec le mot « je pense ». L'autre te dit, « Tu penses? » Ah oui, ah bon, ben si t'es pas sûr, on le sera pas. Non, je suis sûr. Elle ne dit pas que tu penses. Continuellement. Il y a même des humains qui osent porter le phénomène jusqu'à ceci. Le gars, il dort, puis le feu prend parce qu'il fumait sa cigarette. Là, le feu prend, alors il l'éteint, il sort dehors. Puis le pompier lui demande qu'est-ce qui est arrivé, puis il dit, « Bien, je ne le sais pas, je me sens endormi avec ma cigarette, puis elle a mis le feu à mon lit. » Il dit, « Je ne le sais pas, puis après ça, il l'explique. » Et ça, combien d'humains disent ça? Comment voulez-vous un jour arriver à vous faire confiance si continuellement vous êtes les premiers prédateurs et les premiers destructeurs de votre identité? Chaque fois que l'être humain ouvre la grande gueule, il se prouve qu'il ne sait pas, qu'il ne sait rien, qu'il ne sera jamais, qu'il est collectif, qu'il est médiocre, c'est mon humble avis, bon, qu'il est cave, qu'il est ridicule, puis s'écrase. Alors nécessairement, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il recherche la parole d'un autre. Lui, il n'y a rien. Alors, comment pouvons-nous nous motiver et rester motivés si chaque fois qu'on commence à avoir de quoi, on se démolit? En sortant de la conférence, il y en a un ou une qui dit, « Je pense que ça m'a aidé. » Mais si, boulot, commence déjà à se démolir. Ça t'a-tu aidé ou pas? Ah oui, mais pense-le pas. Ça m'a aidé. Pas « je pense que ça m'a aidé ». Il y a une parole immensément fausse. Il y a une expression ondoformique, hein? L'onde de forme, l'esthétique. Extrêmement fausse. Quand un humain marche, bien nécessairement, il crée un nombre de formes. L'âme, elle est placée à l'intérieur de l'homme pour empêcher l'homme de se rappeler. C'est-à-dire, d'une réalité plus cosmique, l'âme est placée dans l'homme pour empêcher l'homme de savoir. Qu'est-ce que c'est que savoir? Savoir, c'est avoir la faculté de goûter instantanément une condition, son précurseur et sa suite. Le savoir est la faculté qu'aura l'homme de connaître ou de goûter instantanément un problème et sa solution. Ce qui, du point de vue supramental, n'est ni un problème ni une solution, mais un événement, une condition, avec ce qu'il engendre et avec ce qu'elle va engendrer, avec la cause et avec l'effet, plus l'événement. Mais la personne qui connaît, la personne qui ne marche qu'avec l'expérience, ne connaît qu'à partir d'un plagiat amique, d'un savoir supramental, d'un savoir instantané. Et nécessairement, l'humain qui fonctionne avec un plagiat d'un savoir, donc avec la connaissance, avec l'expérience, qui est la structure de l'ignorance humaine, lorsque l'humain fonctionne avec cela, nécessairement, il ne peut pas être motivé. Comment pouvons-nous nous motiver lorsque chaque fois que nous voulons voir l'avenir, nous fouillons dans le passé et nous découvrons tout ce qui s'est passé? Bon, on ne peut pas se motiver, on ne peut pas le rester. Et si en plus, la journée où on voit quelque chose de clair, on en parle. Et quand on en parle avec une faible parole fausse, eh bien on le démolit. Lorsque dans l'Antiquité, les initiés, les sages, ceux qui un jour découvraient des choses ou savaient, avaient un contact avec leur propre esprit, leur propre intelligence, pas avec un gourou ou un extraterrestre ou un machin. Ceux-là, on leur disait d'apprendre à se taire, à se fermer. Et comment communiquaient-ils leur information aux autres, à leurs disciples? C'était tough. Le disciple, il lui disait, « Pensez-vous que Dieu existe? » Et le maître, il lui disait, « Paf! » Le disciple, il lui disait, « Pensez-vous que Dieu existe? » Et le maître, il continuait son chemin. Le disciple, il lui disait, « Pensez-vous que Dieu existe? » Et le maître, il prenait son soulier, puis il mettait sur sa tête, puis il s'en allait. Un jour, deux disciples se chicanaient à propos d'un chat. Le maître, il passait par là, puis il a dit, « Aucun problème, tenez les deux pattes. » Il a pris son couteau, puis il a coupé en deux, puis il s'en allait. Le maître ne parlait pas. Puis quand il parlait, le maître, ben il disait, « Tu vois-tu que je suis assis sur un bœuf? » Et le disciple il lui disait, « Comment c'était la montagne? » Le maître, il répondait, « En hiver, le maître est brûlé. En été, le maître meurt gelé. » Puis il s'en allait se coucher. Pourquoi? Parce que la communication, la parole, avait déjà été pressentie comme étant un piège majeur dans l'évolution de l'homme. Mais à l'époque, l'humain n'avait pas la faculté d'avoir une parole juste. Alors, il se taisait. Il se taisait. En plus, l'onde de forme, pour ne pas risquer qu'elle le trompe, il s'habillait d'un seul vêtement, une toge, une couleur. C'était simple. Il risquait plus grand-chose. On voyait pas de forme, on voyait une guenille. Aujourd'hui, l'homme qui pose des questions nouvelles, la femme qui pose des questions nouvelles, même l'enfant qui pose des questions nouvelles, doit nécessairement comprendre qu'à l'instant où il va vouloir exprimer ce qu'il a vécu, il risque de démolir sa substance. L'être humain n'a pas été créé pour servir un Dieu. Si un Dieu veut être servi, c'est qu'il a un problème. Alors faisons la grève et décochons un emploi. C'est d'ailleurs ce que souvent les religions offrent, des emplois, à ceux qu'on appelle les élus, là. Si l'être humain, il est là, vous êtes présent, vous êtes là. Et ça devrait être suffisant pour motiver l'humain. Vous perdez un doigt, c'est pas grave. Le corps vous sert de véhicule. Vous avez la conscience. Et si vous avez la conscience, cette conscience-là doit suffisamment être consciente d'elle-même et ça devrait créer la motivation. Comment rester motivé? Faire attention à ne pas croire ce que l'on fait ou ce que l'on dit, ou à faire juste et à dire juste. J'ai fait une erreur. Crois pas ce que tu fais. 90% de ce que tu as fait était manipulé par d'autres connexionneries. Alors pense pas que c'est toi. Parce que sinon, l'humain finit par perdre encore la motivation. On n'est pas important pour nous. On est important pour ce qui nous a engendrés ou on est important pour le cadre dans lequel on est. Et encore là, ce qui nous a engendrés, c'est une problématique. Parce que l'humain s'est auto-engendré. Et dans la densification, il a oublié. Et c'était parfait qu'il oublie pour qu'il reste. On fait une pause. Vous avez des questions sur n'importe quoi ou sur ce sujet. Il y a des papiers en bas. On les écrit, si possible, lisiblement. Et puis, on revient après. Thank you.